Antonio se croyait beau avec son flingue et son chapeau. À cheval sur son scooter, il faisait le joli cœur. Il rentrait dans les bistrots, réajustait son chapeau. Draguait les filles au galop, c'est la mission d'Antonio. Antonio c'est un héros, car même après 12 000 râteaux, il file toujours à 100 à l'heure, avec zéro fille au compteur. Mais demain est un autre jour, il refera sa gueule d'amour, il croit en sa bonne étoile, il en verra une à poil. Mais à soir par un coup du sort, il s'en trouve à une qui dit oui. Qu'il parvint sans trop d'efforts à ramener jusqu'à son lit. Du lasso elle se saisit, de peur Antonio s'enfuit. Il a filé un 100 à l'heure, elle en a un de plus au compteur. Sa gaine et ses dentelles, à cheval sur Antonio, elle le fit partir au galop. Elle retournait au bistrot, commander un apéro, draguer les beaux fagunettes, c'est la mission d'Inette.